commencé. Quand je l'ai rencontré, de cette femme je voulais me rapprocher sans savoir ce qui m'attendait. Mes amis m'ont conseillé, malgré tout j'ai quand même essayé. Elle me disait qu'elle m'aimait, l'amour en avec vers le mur elle m'emmenait. J'suis dépassé là, pour elle le monde j'ai déplacé là. Elle a eu tout ce qu'elle voulait, j'ai plus rien, j'ai tout dépensé là. J'suis fatigué, ah, moi je suis fatigué. Elle m'a aimé mais seulement pour ma monnaie. On m'a prévenu mais je n'ai pas écouté. J'suis fatigué, ah, moi je suis fatigué. Elle m'a aimé mais seulement pour ma monnaie. On m'a prévenu mais je n'ai pas écouté. J'étais belle, je reconnais. Mon cœur est cassé, comment le reconnaître? Comment j'ai pu m'intéresser à une femme qui est là par intérêt? Maintenant je peux que regretter. Mon amour pour elle fait que régresser. Quand je repense à ce que j'ai fait, derrière ce visage j'ai pas vu qui c'était. J'suis dégoûté, complètement dégoûté. J'ai tout donné là, j'suis épuisé, complètement épuisé. Une fois, pas deux fois c'est terminé, complètement terminé. J'ai tout donné là, j'suis épuisé, complètement épuisé. J'suis fatigué, ah, moi je suis fatigué. Elle m'a aimé mais seulement pour ma monnaie. On m'a prévenu mais je n'ai pas écouté. Fatigué, ah, moi je suis fatigué. Elle m'a aimé mais seulement pour ma monnaie. On m'a prévenu mais je n'ai pas écouté. Ah, elle m'a aimé, m'a menti, je l'avoue. Je l'ai pas vu venir. Elle m'a menti, elle m'a aimé. Elle m'a menti.